Casque à 200 euros de merde. Thank you. Baka. Sur le 1. Un chanteur avec une putain de voix là. Putain, je suis pas régulier la basse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai raté le départ.